إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة في الله، ما هي إلا أيام قلائل يحل علينا ضيفنا الكريم، ضيفنا المبارك. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه شهر رمضان، شهر القرآن والصيام، وشهر الجهد والإحسان والعتق من النيران. Mes frères et sœurs, ce sont yani des jours qui sont très courts. On a un invité, mes frères. Wallahi, on a un invité qui est béni. L'invité qui est béni, qui est le mois de Ramadan. Un mois consacré, bien sûr, au Coran, mes frères, et aux jeûnes, et aux prières de nuit, Qiyam al-Layl. C'est un mois, mes frères, comme vous savez tous, yani un mois d'effort, de bienfaisance, un mois où on peut se préserver du feu de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal me préserve, ainsi que vous et vos familles, du feu de l'enfer. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه في قدوم شهر رمضان. Et le prophète صلى الله عليه وآله وسلم, mes frères, annonçait le début du mois de Ramadan à ses compagnons. فعند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر المبارك فرض الله عليكم الصيام تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Il disait, le prophète صلى الله عليه وسلم, à ses compagnons, quand arrivait le mois de Ramadan, vous trouvez ce hadith dans Ahmed, un hadith de Ahmed ou un Nasa'i, hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes arrivé le mois de Ramadan. Un mois béni. Allah azza wa jal vous a prescrit le siyam. Les portes du paradis sont ouvertes et le port de l'enfer se referme. Il a une nuit mieux que 1000 mois. Celui qui a été interdit de cette nuit-là, il lui sera interdit le bien de cette nuit-là. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث يقول رحمة الله عليه هذا الحديث فيه أصل في تهنئة الناس فيه أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا في شهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بشهر تغلق فيه أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل مرحبا بشهر طيب مبارك. Ibn Rajab rahmatullah alayhi disait, et ce hadith là qu'on vient de mentionner est une preuve que le musulman et les musulmanes peuvent se féliciter, se félicitent les uns les autres pour l'entrée de ce mois là comment, mes frères, ne pas annoncer aux croyants que les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer se referment? Comment on peut pas annoncer que celui qui fait des péchés, le porte de l'enfer se referme? Eh, na'am, ibad Allah. Fi Ramadan, ibad Allah, unzil al-Qur'an. في رمضان الشفاعة بالصيام والقرآن، في رمضان التراويح والتهجد، في رمضان التوبة وتكفير الذنوب، في رمضان يفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، في رمضان الجود والإحسان، في رمضان العتق من النيران، في رمضان الصبر والشكر، في رمضان الدعاء، في رمضان الحسنة بعشر أمثالها. أي نعم عباد الله، كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر وما فيه. Mes frères, le mois de Ramadan, pourquoi c'est un mois béni, شهر مبارك. Que peut-on trouver dans ce mois-là, mes frères? Comme vous savez tous, le Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran. Et je conseille moi et vous, mes frères, le Coran, il faut le lire pendant le Ramadan. Essayez de lire le maximum. Essayez de lire le maximum de ce que vous pouvez, après chaque prière au moins. De lire. Lire le Coran. Abandonnez le qil wal qal. Lire, consacrez-vous au Coran. À la lecture du Coran. Na'am ibad Allah. Le jeûne, comme vous savez tous, c'est un mois de jeûne, c'est un mois de Coran, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam, le jeûne hadha. Le Ramadan, c'est le mois de la prière nocturne. C'est le mois du repentir, c'est le mois où les péchés seront effacés. C'est le mois où les portes du paradis sont ouvertes et que les portes dans l'enfer se referment. C'est le mois d'efforts et de bienfaisance et d'invocation et de bonnes actions qui sont multipliées, mes frères, par 10 jusqu'à 700 fois. Comment, mes frères, le croyant et la croyante ne peut pas être heureux de ce mois-là? فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة في شهر من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منه باب. Donc le prophète صلى الله عليه وآله وسلم qui nous dit quand le mois de Ramadan arrive, quand le mois de Ramadan arrive, le hadith qui est connu, dès la première nuit du Ramadan, les diables, ils sont enchaînés. Les diables, ils sont enchaînés. Et les portes de l'enfer se ferment. Et aucune de ces portes ne s'ouvre. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهُ بَابُ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهُ بَابُ وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Et dans la suite du hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les portes du paradis, elles s'ouvrent sans qu'aucune ne se ferme. Ay na'am ibad Allah, un mois béni. Un appeleur et un appeleur qui appelle et dit: ô toi qui veux le bien, ô toi qui veux le bien, accours. Ô toi qui veux le mal, cesse, naam, cesse les péchés, cesse la turpitude, cesse tout ça. Inna shahra Ramadan min afdal an-ni'am ala ummat al-islam. Le mois de Ramadan, mes frères, est l'un des plus grands bienfaits pour cette communauté là. Al muslim yafrah bi Ramadan wal munafiq yahzan bi Ramadan. Le musulman et la musulmane, elle se réjouit de ce mois-là quand il arrive. Et l'hypocrite, il est triste d'accueillir ce mois-là. Naam ibad Allah. Faut pas que ce soit un fardeau. Faut yani, Ramadan il arrive, pas les gens, ils commencent à quoi? À être tristes. Ah, je vais pas manger. Ah, ça va être compliqué. Comment on va faire? Il fait chaud. Ils se plaignent. Le fait que tu te plains, mon frère, le fait que tu te plains de ce mois qui arrive, Allah musta'an akhi, c'est grave, ya khouan. Tu peux rentrer dans le nifaq. Al muslim yafrah wa al munafiq yahzan. Le musulman, il est réjoui de ce mois-là, il est content. L'hypocrite, il est triste. Fa'an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala adallakum shahrukum hadha bimahlufi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma marra bil muslimina shahrun khayrun lahum minhu ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'Abu Huraira, il dit: il n'y a pas un mois meilleur pour le musulman, mieux que le Ramadan. Meilleur pour le musulman. est un mois pire pour l'hypocrite, ou pour les hypocrites au pluriel, que le mois de Ramadan. Pour le musulman, c'est le meilleur mois. Pour les hypocrites, c'est le pire des mois pour eux. Wala'udhu billah, qu'Allah nous préserve, me préserve et vous préserve de l'hypocrisie. Ramadan, shahru siyam wa shahru al-qiyam. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama rawahu al-imam Ahmad wa al-Tirmidhi wa sahahahu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. Et comme on a dit, c'est un mois de prière nocturne. Le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à que l'imam finit, on lui écrira comme s'il a fait une prière nocturne. On ouvre une parenthèse les frères, car rien n'est par rapport au virus, confinement et tout ça. Que les mosquées sont fermées dans la plupart du monde entier. On peut pas maintenant faire la prière avec l'imam. On l'a fait à la maison, comme vous savez tous. On l'a fait en famille. C'est mieux de la faire en famille ou tu peux la faire tout seul, mon farida. Tu peux la faire tout seul ou tu peux la faire avec ton épouse. Et au dernier tiers de la nuit. Le meilleur, c'est au dernier tiers de la nuit. Si t'es fatigué et t'as peur de ne pas te réveiller, tu l'as fait après Salat l'Aïcha. Tu l'as fait après Salat l'Aïcha. Et même quand on est confiné, Salat l'Aïcha, retardez-la un peu. Retardez-la Salat l'Aïcha. C'est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu as la certitude de te réveiller, au dernier tiers de la nuit, tu te lèves et tu fais ton tarawih. Donc le faire avec le mashaf, bien sûr, c'est permis. Tu peux le faire avec le livre. Le mashaf, tu lis ce que tu peux, c'est pas obligé de tartam le Coran ou aller le Coran, c'est mieux si tu peux compléter le Coran, c'est mieux. Si tu peux pas, c'est pas une condition de tarawih. Mais si tu le fais, c'est mieux, c'est un mois qui est béni. Et comme m'avaient dit les frères qui étaient au Yémen, talabat al-ilm, mes frères ils clôturaient le Coran là-bas à coup de 7 fois, 10 fois. C'était impressionnant, il m'a dit il priait toute la nuit là-bas au Yémen. Il priait toute la nuit, il terminait, il refont encore le Coran, il refont et ainsi de suite. Toute la nuit il priait. Subhanallah, au Yémen là-bas. C'est plus le cas maintenant. C'était à l'époque des Mashayikh, quand il y avait le Fudala et tout ça. Mais maintenant, ils font plus cela. Car comme vous savez, il y a les troubles là-bas. Wallah al-musta'an, qu'Allah préserve les musulmans du mal de tous les ennemis de l'islam. Que ce soit des ennemis de l'islam, kafara ou shi'a. Donc on disait, tu fais la prière avec le mashaf, avec le livre, celui-là qui lit pas le français et l'arabe, pardon, il lit les sourates qu'il connaît, il les répète plusieurs fois, il fait 11 et 13 raka'a avec Chef al-Witr, 11 et 13 raka'a avec Chef al-Witr. Donc il lit et il relit ces versets plusieurs fois, il y a qul wallahu ahad plusieurs fois, 4, 5, 6, 7 fois, fahamtou wala al-falaq, et ainsi de suite les sourates qu'il connaît. Et j'encourage les frères, yani, d'apprendre le Coran, de l'apprendre. Wallah, aïb, yani, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas aïb, mais on peut dire ça. C'est quelqu'un qui manque dans sa religion, qui a un grand manque dans sa religion. Le fait que ça fait 10 ans qu'il prie, 15 ans, 5 ans, et il sait même pas lire l'arabe. Mouchkil akhi. Il sait même pas lire l'arabe. Ou il fait aucun effort pour apprendre l'arabe. Ou il connaît que 2-3 sourates. Les salafs, ils disent cela que dans son cœur, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de Coran. Dans son cœur, c'est un cœur en ruine. C'est comme une maison qui est en ruine. Il n'y a rien de profitable dedans. Un cœur qui n'a pas de Coran, mes frères. Un cœur où il n'y a pas de Coran dedans, c'est un cœur qui est en ruine, comme ils ont dit les salafs. Qu'Allah me préserve ou préserve de cette ruine-là. Donc apprenez le Coran, apprenez le tafsir. C'est pour ça, c'est ajab, mon frère, c'est étonnant. On voit des frères et des sœurs, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ils ne savent pas lire le Coran. Et je donne un exemple, des choses mondaines. Fou, pendant un mois, prends un frère ou une sœur, entre sœurs et tout ça, tu lui donnes un billet, tu dis, tiens, je reste un mois avec toi, tous les jours je fais une heure et demie, tu m'apprends l'alphabet. Au bout d'un mois, tu connais l'alphabet, comme des frères, wallah, les frères, au bout d'un mois, ils ont appris à lire le Coran. Ils savaient rien de la langue arabe, rien du tout. Ils connaissaient rien, ils comprenaient même pas, ils parlaient même pas. Ils ont fait des efforts en un mois, ils ont appris le hurouf, et après, ils ont commencé à lire, à faire de la lecture, pour coller les lettres avec les autres. Et il lisait une page par jour, avec quelqu'un qui le corrige après. Et ainsi de suite. Tu vas mettre peut-être 15 minutes à lire une page. Mais tu vas faire des efforts. Et ainsi de suite. Et tu te corriges, et tu mets quelqu'un qui te corrige en face. Pas, tu fais 15 ans, tu es dans la religion, mon frère ou ma soeur. Tu sais même pas lire le Coran en arabe, tu lis en phonétique ou tu lis en français. Tu fais aucun effort pour la religion. Non, nous, ce dîn-là, c'est fait pour avancer. C'est pas fait pour rester en point mort. C'est pas fait pour rester en point mort, en stand-by. On prie, on fait rien. Aucun. On n'étudie pas, on n'apprend pas, on fait rien. On regarde des vidéos sur YouTube, on se lance, l'autre il fait un copier-coller, il envoie au groupe, il envoie ça, et il croit que c'est ça, da'wa. Et c'est pas ça l'ilm. Ça c'est une faïda, on peut profiter d'une chose, mais c'est pas ça la science. La science c'est faire des efforts, s'acharner, écrire, noter, apprendre, connaître les masail. Mais maintenant j'encourage les frères qui savent pas lire, d'apprendre à lire le Coran, mes frères. Wallah, je reste étonné sur ça. On reste étonné. Faites des efforts, barakallahu fikum. Ne restez pas dans l'insouciance. Si vous faites Allah Azza wa Jalla vous a donné des heures dans votre vie et des jours. Dans ta journée, t'as 24 heures. On va parler comme entre nous, les frères. C'est vraiment, c'est un truc pour s'encourager, moi et vous. 24 heures. Dans le travail, t'as 8 heures de travail. Un être humain, il se repose 8 heures à peu près de sommeil. 7 et 8 heures. Ça fait 16 heures. Il reste combien, Harry? Il reste encore 8 heures. Ces 8 heures-là, c'est vide. Tu peux pas prendre une heure, voilà une demi-heure, pour apprendre quelques versets du Coran, ou pour apprendre la langue arabe, ou pour même étudier, ou quoi que ce soit, ou lire un cours et le noter le cours et connaître ses hadiths, connaître ses dalils. Les frères, ça demande rien du tout, mon frère. Allah Azza wa Jal, wallahi mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné beaucoup. Comme ils disent les salafs, mais il nous demande peu. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné beaucoup de choses, énormément de choses, mais il nous demande peu. Anam ibadallah. Donc je reviens sur le hadith, yani, du siyam ou al-qiyam. Donc là, c'est une opportunité, mes frères, d'apprendre l'arabe. Afin que tu sais lire le Coran correctement. Et qu'on te corrige. Faites des efforts, barakallahu fikum. On fait pas des cours juste pour, tiens, on écoute, ah, c'était bien, c'est rose, c'est machallah, ça fait, là, il faut appliquer, mes frères, il faut faire des efforts. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc le hadith qui est connu, que tous les imams le citent chaque année, celui-là qui veille ou qui a veillé à prier les nuits de Ramadan, poussé par quoi? Par sa foi et par l'unique espoir de la récompense d'Allah Azza wa Jal, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Donc imanan wahtisab, man qama, celui-là qui veille à prier les nuits de Ramadan, qui veille à prier les nuits de Ramadan. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لازم الصلاة التراويح ولا تفرط فيها فإن ثوابها عظيم. Cheikh Salih al-Fawzan qui dit حفظه الله, soyez constant dans la prière de Tarawih, ne la délaissez pas, car sa récompense est immense. Et Tarawih, il commence à partir de ce soir, après Salat l'Aïcha ou dernier tiers de la nuit. Il commence ce soir. Donc ce soir, commencez à faire Tarawih. Et le Mashaf, pour ceux qui veulent lire avec le Coran, avec le Coran, comme il nous a conseillé le frère Salim Abou Asya, le frère qui est à Médine, récemment, il a fait un petit conseil au groupe. Yani, le fait de pas le mettre au sol, le fait de le mettre en hauteur, une chaise haute, admettons, vous mettez à côté une chaise haute, vous posez le mashaf dessus, inclinaison, après vous relevez. Et encore mieux, mes frères, encore mieux. Yani, dans des endroits, la Cache Express et tout ça, ils vendent des espèces de, vous savez, les trucs pour la musique, là, ils mettent leurs livres pour la musique en hauteur, comme ça. Ils les mettent dans les mosquées. D'en acheter un. Tu peux en acheter un, tu le mets en face de toi, tranquille. Tu fais l'imam. Mashallah, tu fais l'imam chez toi. T'as le mashaf, tu lis, tu fais des efforts, tu mets une petite lumière, et tu fais ton qiyam l'il tranquille. أينعم عباد الله قول جل وعلا قال ربنا جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الله عز وجل يجي et ceux qui passent leur nuit prosternés debout devant qui mes frères devant leur Seigneur جل وعلا et qui disent Seigneur écarte-nous du châtiment de l'enfer car son châtiment est permanent. Qu'Allah Azzawajal me préserve et vous préserve et préserve nos familles, nos enfants et nos parents du feu de l'enfer, car personne ne peut patienter à cela, mes frères. وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Et qui peut patienter au feu de l'enfer, mes frères? Wallahi, ya khwani, on ne peut pas patienter. Personne ne peut patienter au feu de l'enfer. Ceux qui passent leur nuit, c'est-à-dire dans l'obéissance, dans son adoration, comme dit Ibn Kathir, rahimullah al-hafiz, Ibn Kathir, سُجَّدًا وَقِيَامًا أي فِي طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ. Qui passent leur nuit dans leur adoration, dans le qiyam. Ramadan, ibadallah, khayru shuhur. Faqad akhraja ibn Abi Dunya, an Abdillah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, sayyidu shuhur, Ramadan, wa sayyidu l'ayyam, yawmul jumu'a. Le Ramadan, comme dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, est le meilleur des mois. Le Ramadan est le meilleur des mois. An'am ibadallah. Et c'est le mois de Ramadan, le meilleur de mois. C'est le mois de Ramadan et le meilleur des jours, c'est le jour du vendredi. Ibad Allah, كيف نستقبل هذا الشهر المبارك? Comment accueillir ce mois béni, mes frères? كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل رمضان بالصدقات وبتلاوة القرآن. Le prophète صلى الله عليه وسلم, comment il accueillait ce mois-là? L'accueillir, c'est un invité, comme on a dit au début, donc le invité, on doit l'accueillir. On le reçoit. On l'accueille avec beaucoup de sadaqa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accueillait le mois de Ramadan avec beaucoup de sadaqa. Il accueillait avec quoi? Avec la lecture du Coran, tilawat al-Qur'an, wa bimudarasat al-Qur'an. L'étude du Coran, mes frères. Du Coran, yani aussi le tafsir. J'encourage les frères à connaître le tafsir aussi, de lire le Coran avec le tafsir. Car ça va plus rentrer dans ton cœur. Et dans le tafsir, il y a l'histoire, il y a de l'histoire dedans. De connaître ces choses-là, pour que ta foi l'augmente, pour savoir ce que tu dis et pour comprendre l'essence du verset, mes frères. Il accueillit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la prière de nuit. Kana yaqumu alayhi salatu wa salam al-layla hatta tatashaqqaq qadamay. Hatta tatashaqqaq, yani qadamayhi. ويقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أي نعم عبدا صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم الله عز وجل fasse que je sois et que vous soyez parmi ces gens-là. Il priait عليه الصلاة والسلام toute la nuit, mes frères, jusqu'à que ses pieds se fondent, يعني qu'il y a du sang qui coule. سبحان الله prophète صلى الله عليه وسلم الله عز وجل lui a pardonné ses péchés avant et après, lui a promis le paradis. Et qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam? Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? فَنَحْنُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Nous, on rentre dans la priorité, mes frères. فَبِمَاذَ عِبَادَ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ. Et aujourd'hui, comment certains musulmans, qu'Allah Azza wa Jalla les guide, accueillent le mois de Ramadan? يَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بِالْفُسُوقِ وَالْعِسْيَانِ. Ils accueillent le mois de Ramadan avec des péchés et autres. أكثر من الشهور العادية من قناة إلى قناة من فسوق إلى فسوق. Ils accueillent le Ramadan avec quoi? Avec des péchés. Pire que les mois précédents. Pire. Toute la journée, il a la télé de chaîne en chaîne. Perversité à perversité. وبعض المسلمين يجتمعوا حول المحرمات. Et parmi les musulmans, qu'Allah Azza wa Jalla les guide, ils s'unissent autour de quoi? Après le ftour, ils s'unissent autour des choses qui sont haram. Comme la cigarette, comme les produits stupéfiants. Voilà, Allah musta'an, qu'Allah Azza wa Jal éloigne notre communauté de ce mal-là. Ou même, il y en a, yani, comme, à l'époque, yani, quand, avec Cheikh Abdel Hadi, à Marseille, quand c'était la veille, le jour du Ramadan, comme aujourd'hui, le Maghrib, et le soir, on va faire Tarawih, il nous a fait, yani, ça je le ferai demain inchallah bi'nillah azza wa jal si on a le temps sur l'aya ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Oh vous qui avez cru, le siyam vous a été prescrit. Il nous a fait le tafsir de toute cette page là. Ce qu'a dit son les frères, j'ai reçu un appel. Il nous a fait le tafsir de toute cette page là. Samhou les frères, il y a du son, barakallahu fik, j'ai reçu un appel, je ne sais pas si ça a coupé. Est-ce qu'il y a du son, les frères? Il y a un frère qui peut me parler sur WhatsApp, barakallahu fikoum. Taïb Mohamed, ahsant. Ma'adhiratan. Donc je disais, et Cheikh Yani, dans le tafsir, dans cette muhadara qu'il nous a fait, muhadara taïba Yani, mubaraka, il nous a conseillé, comme quoi des gens, wallah al-musta'an, ils commencent, et on le voit ça. Malheureusement, on le voit dans notre communauté, que des jeunes, mesakin, qu'Allah Azza wa Jalla les guide. À peine, il y a l'adhan, maghrib, la première chose qu'il allume, c'est une cigarette, ou, yani, un joint. Regardez où, à tel degré, notre communauté, elle est tombée dans une bassesse, subhanallah. La sunna, c'est de manger des dattes. Eh, na'am. C'est pas, yani, de s'unir derrière les muharramat, derrière les choses qui sont interdites. Yajtami'ouna. Fi shar, la fi khayr, illa man rahim Allah. Ils s'unissent autour des choses qui sont mal, pas des choses qui sont bien, sauf qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah Azza wa Jal a préservé. Wa minhum man yara fi Ramadan illa al-akl wal israf fihi. Et aussi certains musulmans voient le mois de Ramadan que dans les dépenses, ou que les dépenses de la nourriture, des boissons, alors qu'au contraire, gaspiller la nourriture fi Ramadan, et en dehors du Ramadan, c'est grave, auprès d'Allah Azza wa Jal. Là, tout c'est faux. Allah Azza wa Jal nous interdit de gaspiller de la nourriture. Et on ouvre une parenthèse. Yani, le Ramadan, Allah musta'an, yakhwan. Les cuisines, les femmes qui perdent leur temps de Dhuhr jusqu'à le Maghrib dans la cuisine, pour qu'à la fin, le mari, il prend une bouchée de shorba et un peu de soupe et il a la khlas. Et il laisse tout. Ça pourrit le lendemain, il fait chaud, tout à la poubelle. Et tous les jours c'est comme ça, les gens ils mangent avec leurs yeux. Et quand tu vas dans le sud, ça, quand quelqu'un il a faim, yeshtahi, il va dans le magasin, il voit tous les fruits, il prend tout. Après il mange rien. Non, ikhwan, manger le peu, une petite soupe avec une petite salade, un petit plat petit comme ça, pas tu laisses ta femme meskina de Dhuhr jusqu'à le Maghrib dans la cuisine. Elle a été créée pourquoi? Pour te faire à manger de Dhuhr pendant le Ramadan, de Dhuhr jusqu'à le Maghrib à la cuisine, après il y a la vaisselle. Non, c'est pas ça le Ramadan, l'israf, le gaspillage comme ça, wallah al-musta'an. Des tables où tu les vois, c'est pas possible de manger tout ça, tu peux pas. Comment tu vas faire tarawih après? Comment tu vas prier? Comment tu peux prier avec un ventre plein comme ça? Et t'en as, wallah al-musta'an, tu pries avec eux de tarawih, ils sont à côté, wallah, des fois ils rotent, yani, tu sens l'oignon, le psal. Presque tu vomis en pleine prière, wallah al-musta'an. Là, mange doucement, digère, marche un peu, tu fais tarawih tranquille. Istaqbilu Ramadan ibadallah bit-tawba. Bit-tawba tin-nasuha wal-istighfar. Wastaqbilu Ramadan bil-azmi ala ta'atillah. Kam min an-nasi yatamanna an yudrika Ramadan falam yudrik Ramadan. Mes frères, on doit accueillir ce mois-là avec la demande de pardon. De s'efforcer l'azm. S'acharner dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Combien de personnes disent atteindre le prochain Ramadan et d'un coup il ne se retrouve plus parmi nous. Il a quitté ce bas monde. Innaka fi a'zam an-ni'am an tudrika Ramadan wa anta hayyun wa anta fi sihhatin wa afiyah. Faqaddim dhalika bi shukri Allah Azza wa Jal bi ta'atika wa bi lisanika wa jawarihika. Mes frères et sœurs, accueillez ce mois-là. Naam, c'est une occasion d'assister à ce mois-là, de l'accueillir tout en étant, alors qu'on est en vie, afwan, on est en bonne santé, on doit devancer cela avec le remerciement d'Allah Azza wa Jal. Le remercier avec sa langue, avec son cœur, avec sa langue et avec ses membres. Avec son cœur, tu reconnais, yani, qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a donné ce bienfait-là. C'est à lui qu'on doit, on remercie cela. C'est à lui. C'est lui qui nous octroie tout cela. C'est lui qui va nous sauver demain, Yawm al-Qiyamah. Et ainsi de suite. Reconnaître avec son cœur ce bienfait-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi lisanika, avec ta langue, alhamdulillah. Tu dis, alhamdulillah. Allah azza wa jalla nous a mis parmi les musulmans. Wa jawarihika, ta prière, ta zakat, ton hajj, ton siyam, avec tes membres. C'est un remerciement que tu dois le faire avec ces trois choses-là. Avec le cœur, avec ta langue et avec tes membres. Wa hadharu ibadallah. من أهل الباطل ليشغلوا أوقاتكم فيما لا ينفع باللعب الورقة وبالقيل والقال والغيبة والنميمة. Faites attention aux gens. Aux gens de qui? De la passion. Ne perdez pas votre temps dans des choses qui sont inutiles. Le jeu de cartes, de hasard. Naam, ils jouent au poker le soir. Ils jouent de l'argent. On t'a dit, on m'a dit, riba ou namima. Évitez les personnes qui médisent, mes frères, les gens. Ou qui colportent. Quelqu'un qui parle sur les gens, éloigne-toi de lui. Salam alaykoum, akhi. Tu pars, akhi, tu le laisses. Qu'est-ce qu'il y a là, akhi? Tu parles sur les gens, tu parles sur les khallina minha. Khallina minhum. كانوا سلفنا الصالح يهتمون بهذا الشهر غاية الاهتمام. فقال الإمام الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكانوا يحرصون على الجلوس في المسجد ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتب أحدا، وكانوا يحرصون على الصلاة التراويح ولا ينصرفون منها حتى ينصرف الإمام. Nos pieux prédécesseurs, mes frères, ils donnaient de l'importance à ce mois-là. L'imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant de l'islam, qui est connu dans sa piété, dans sa science, Zuhd wal-Wara', et ainsi de suite, quand le mois de Ramadan arrivait, il disait, c'est le mois de la lecture du Coran. Le mois où tu donnes à manger aux pauvres. Et il s'efforçait à rester dans les mosquées. Il s'acharnait pour rester dans les mosquées. C'est pas le cas, les mosquées sont fermées. Et il disait quoi, l'imam Zuhri et les salaf? Nahfadou, on préserve notre jeûne et on parle sur personne. Personne. Est-ce qu'il y a du son, les frères? Arrête pas de m'appeler. Subhanallah, l'azim. Vu qu'il y a internet, je peux mettre en mode avion. Attends, je vais essayer. Vous entendez les frères? Taïb, afwan. Donc voilà mes frères. Comment ça se passe pendant le mois de Ramadan, et qu'Allah Azzawajal facilite nos frères qui sont en prison, qui nous écoutent là avec nous. Il y a des frères, malheureusement, ils sont pas nous, avec nous dehors, ils sont détenus pour ça ou pour d'autres choses. Yani, qu'Allah Azzawajal les guide et les préserve, et qu'Allah fasse que leur famille, yani, patiente et leur donne une grande patience à ceux-là. Ena'am ibadallah, voilà, yani, كلام يعني concernant فوائد يعني quelques bénéfices du mois de Ramadan. Donc faites des efforts mes frères, barakallahu fikum. C'est le mois yani où on doit faire le maximum, le maximum mes frères, ne pas perdre son temps. Eh na'am ibadallah, mais pas vous dire, vous pouvez pas rester toute la journée à lire le Coran. Non, tu peux te reposer de temps en temps, jouer avec tes enfants, jouer avec ton épouse. La ba'sa bidhalika, ça c'est pas une perte de temps. De jouer avec ses enfants, de jouer avec son épouse, ça rentre pas dans la perte de temps, mes frères. Naam, d'aider sa famille à la maison, on est confiné, ça fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La baisse, yani, tu fais le ménage, tu osmou, tu fais la vaisselle. C'est hajat, yani, c'est une chose, c'est banal. Pas, tu prends pour un prince, tu t'assois, yani, tu demandes, yani, tu donnes des ordres, et tu veux que tout est propre, tout est nickel, et tu bouges pas, et même pas, tu débarrasses des fois, yani, une cuillère. Naam, faites des efforts, barakallahu fikum, dans votre comportement. Et si vous avez des litiges avec des gens, yani vous avez volé, escroqué des gens, demandez le pardon d'Allah Azza wa Jal à ces gens-là. Rendez-leur leur argent si vous leur avez pris de l'argent. Si vous avez parlé sur leur honneur, mes frères, appelez-les, envoyez-leur des messages. Smahnari, j'ai parlé sur ton honneur. Qu'Allah Azza wa Jal me pardonne et pardonne-moi si j'ai commis un tort envers toi, envers ton honneur. Tu répares le mal que tu as fait. Mes frères, barakallahu fikum, c'est très important de faire cela. C'est très important de faire cela. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. وأحسن الله إليكم. Et comme vous savez, il y a un dua, quand vous voyez la nouvelle lune de Ramadan, Allahu Akbar, Allahumma أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربنا وربك الله عز وجل أي نعم عباد الله. Cette dua qui a été un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, quand on voit la nouvelle lune, de faire cette invocation là أي نعم عباد الله. Et on terminera بإذن الله عز وجل demain quelques conseils de Ramadan. Et aussi pour les frères qui m'ont demandé pour l'histoire, car on avait fait un cours un dars sur l'histoire, que Cheikh Abdelhadi Hafizullah m'a encouragé de le faire et de continuer là-dessus, car il y a beaucoup de prêcheurs qu'ils n'ont pas eu, on trouve pas dans les sites de frères Salafi, l'histoire de l'Empire Ottoman, l'histoire des Omeyades. J'avais terminé là l'histoire de l'Hassan ou l'Hussein. L'Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été exécuté et tué injustement. Aynam ibadallah, connaître l'histoire de notre religion, connaître l'histoire de l'islam, car malheureusement, dans ce pays-là, on n'enseigne pas cela à nos enfants. Ou quand on parle de l'islam ou de l'histoire de l'islam, ils mettent que des choses noires qui se sont passées, parce que dans l'histoire musulmane, il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses, malheureusement. Mais eux, ils mentionnent que les choses qui sont mauvaises pour qu'on déteste notre histoire, mes frères. Alors que wallahi, mes frères, wabillahi wa tallahi, dans l'histoire, on voit des fawa'id, mes frères, que tu peux pas en trouver, autre que sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il dit Ibn al-Athir rahimahullah, un grand historien, quand on fait de l'histoire ou quand on parle de l'histoire, on dirait qu'on a vécu avec eux. On dirait qu'on a fait revivre leur nom, on a vécu au moment qu'ils ont connu cela. Et quelqu'un qui fait beaucoup d'histoire, il dit Ibn al-Athir rahimahullah, c'est comme s'il a vécu des siècles et des siècles successifs. Pourquoi? Parce qu'il connaît le tel siècle, il s'est passé ça et ainsi de suite. Et na'am ibadallah. Donc promis inchallah, je termine. Je termine ces Ramadan, Inch'Allah, demain. Et après, on repart sur l'histoire de l'Hussein.